Activité 38. L'exercice 3 est un dialogue simulé. Nous sommes dans une épicerie. Vous voulez acheter des produits. Vous êtes le client et je suis la vendeuse. Nous commençons. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je voudrais acheter du sucre et des tomates, s'il vous plaît. Oui. Combien de kilos de sucre ? 2 kilos de sucre, s'il vous plaît. D'accord. Et combien de tomates ? 1 kilo de tomates, s'il vous plaît. Quel est le prix du kilo de tomates ? 1,30 €. Merci. Et combien coûte le sucre ? Le sucre ? C'est 3 € pour les 2 kilos. Merci. Est-ce que vous voulez autre chose, monsieur ? Oui, je voudrais aussi du pain, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des baguettes ? Oui. Combien de baguettes est-ce que vous voulez ? Seulement une baguette. Quel est le prix ? La baguette coûte 70 centimes. Merci. Quel est le prix total pour le sucre, les tomates et la baguette, s'il vous plaît ? Alors, le prix total est de 5 €. Comment est-ce que vous payez, monsieur ? Je paye en espèces. Et voilà 5 €. Merci, monsieur. Et voilà vos produits. Merci beaucoup. Au revoir, madame, et bonne journée. Au revoir, monsieur. Merci, Youssef. L'épreuve est terminée.